Chapitre 11e, le Forban. L'audace de René ne s'était arrêtée qu'au seuil de la maison paternelle, et Luc attendait la fin du banquet pour le voir reparaître au bal masqué. Il avait d'autant plus besoin de ses conseils qu'il l'avait guidé pour l'arrangement de toute la fête. Tandis que Luc seul était visible sur la scène, Duguay, tour à tour dans la coulisse et parmi le public, dirigeait le spectacle d'un œil et le contemplait de l'autre, se doublant à chaque instant, pour créer, pour jouir de ses créations. C'était lui qui avait ordonné les sérénades, commandé le souper, préparé le feu d'artifice, organisé le bal, etc. Le tout avec une prodigalité qui dépassait d'un tiers la somme fixée par M. Trouin, mais avec un éclat qui électrisait le digne homme et attirait à Luc des félicitations dont il rougissait. Le banquet achevé, tout le monde se mit aux fenêtres et assista au feu d'artifice. Ses gerbes flamboyantes, partant du rempart, éclairait la Gabrielle, mouillée dans le port au milieu des vaisseaux pavoisés. Encore une invention de René, qui met le comble à la gloire de son frère. Cependant Luc s'inquiétait de ne point le voir aux lueurs des pétards et des fusées. Il tremblait qu'un créancier barbare ne l'eût surpris et ait fait sombrer au port. Il se souvenait que le tailleur costumier, le plus terrible de tous, était étranger au compromis de la veille. Déjà l'appareil de la danse avait remplacé celui du festin. Les invités du bal affluaient dans leurs travestissements de toutes époques et de tout pays, les uns le front découvert, les autres soigneusement masqués. On sait qu'en ce temps-là, les bals masqués l'étaient véritablement. Bref, les plus beaux cavaliers et les plus jolies femmes de Saint-Malo se groupaient en s'intriguant dans la vaste salle. Et semblable à un corps qui soupirerait après son âme, Luc attendait en vain le signal de l'arrivée de son frère. À ce signal, qui serait l'explosion d'un pétard dans la rue, il devait disparaître, en cédant à Duguay son rôle et son nom, pour revenir ensuite incognito sous sa grande robe de président à mortier. Il faut dire que plus le moment décisif approchait, plus Luc se faisait un crime et un épouvantail de cette audacieuse supercherie. Mais ses frayeurs et ses remords se perdaient dans son anxiété fraternelle. Enfin, le signal tant désiré retentit, et Luc se précipita au-devant de René. « Eh bien, qui t'a donc retenu si longtemps ?» lui demanda-t-il en l'entraînant dans sa chambre. « Rien, » répondit Duguay qui ôta son masque de la main gauche. « Une rencontre sous le vieux rempart, un ancien compte à régler. Comment me trouves-tu dans ton costume de Forban ?» Ce costume se composait d'énormes culottes écarlates, de bas d'un rouge plus foncé, d'un manteau noir brodé en blanc d'encre et de canon, d'un large chapeau gris, dont la plume ondoyante semblait une flamme, d'une ceinture de cuir chargée d'une bâche et de trois pistolets, et d'un sabre long de 4 pieds sur 3 pouces de large. « Admirable ! Mais qu'est-ce que cela ?» s'écria Luc, pâle d'effroi. Il venait d'apercevoir du sang au poignet de son frère. « Cela ? » dit René en riant. « C'est l'ornement de l'habit, le bracelet du corsaire. Mais tu es blessé, malheureux !»« Eh bien oui !» reprit notre héros, rajustant son appareil à la hâte. « Je viens de me battre. J'ai reçu cette égratignure et j'ai crié un œil à mon adversaire, un Amadis de Dinan qui se trouvait trop beau garçon. Je te conterai demain cette histoire. Mets vite ta robe de président et soyons tout entiers à nos rôles. Je m'appelle jusqu'à minuit Luc Trouin de la Barbinet. Et tu es un inconnu, un curieux. N'importe qui, excepté toi-même. Tu tiens toujours à cette comédie, plus que jamais, mon cher frère. Je viens de réussir dans la tragédie. Je montrerai mon talent dans les deux genres. » René embrassa tendrement Luc, qui ne put obtenir d'autre explication. S'il avait su l'excellent cœur que René venait de croiser, l'épée à sa place contre le chevalier de la Briantais. Lorsque le Forban fit son entrée dans la salle, tout le monde crut que c'était Luc et particulièrement M. Trouin. Nous avons déjà dit en effet que les deux frères avaient la même taille et le même son de bois. Or, sauf un petit nombre de complices indispensables, nul ne soupçonnait la présence de René au bal. Après avoir fait quelques tours pour se montrer et voir les autres, le beau masque alla saluer et admirer Madame de la Bourdonnais, qui trônait sous le costume éblouissant de la reine Anne au milieu d'un groupe figurant la cour de Louis XII. Elle prit aussi d'abord René pour Luc, et l'intrigua singulièrement en cette qualité. Elle ne pouvait comprendre une telle métamorphose de l'homme le plus timide et le plus réservé, en l'homme le plus élégant et le plus téméraire. Toutes les dames à qui Duguay fit successivement la cour, eurent la même surprise, si bien qu'au moment où il aborda M. Trouin, celui-ci apprenait que son fils aîné n'était plus reconnaissable. Rien, on le sait, n'eût flatté davantage le vieux corsaire comme cette transformation, mais pénétré de l'incorrigible sagesse de Luc, il refusait de croire à tant de joie. Lorsque René vint lui enlever ses doutes. Qu'on n'oublie pas, pour suivre cette scène avec intérêt, tous les miracles dont notre héros entreprenait l'accomplissement, le paiement de ses propres dettes, l'enlèvement du brevet de Luc, le consentement paternel à son mariage, etc., etc. Qu'on n'oublie pas surtout quel péril il courait en affrontant le plus terrible père de cette époque des pères terribles. Une inflexion de voix, un geste, un mouvement de son masque, une distraction dans son rôle, pouvaient le trahir et le perdre à chaque instant. Aussi, quelqu'intrépide, quelqu'imprudent qu'il fût, il sentit un frisson lui parcourir tous les membres lorsqu'il prit en plein bal le bras de cet homme qui le croyait à l'université. Hélas, deux personnages frissonnaient bien plus encore, en le suivant des yeux à travers la foule. C'était sa bonne mère, confidente et complice forcée de cette nouvelle incartade, et son pauvre frère, qui venait d'entrer, pâle et couvert d'une sueur froide, sous son masque et sa robe de président à mortier. « Eh bien, Luc, » dit M. Trouin à René, « on prétend qu'une révolution s'est opérée dans ta personne ?»« Parbleu, oui, mon père, » répondit le forban, posant son chapeau sur l'oreille et la main à la poignée de son sabre. « Sur mon âme, cette fête m'a remué jusqu'à fond de cale. Je sens que je vire de bord de la poupe à la proue, et que le diable me déralingue, si je me reconnais moi-même. » À ce langage si étrange de la bouche de Luc, M. Trouin s'arrêta stupéfait et considéra son fils des pieds à la tête. René craignit d'avoir un peu trop chargé son début, mais son père le rassura par un joyeux serrement de main. « Bombé mitraille !» C'était son juron privilégié. Voilà des paroles qu'il valent mieux que toutes les bilbesées grecques et latines dont tu m'as criblé jusqu'ici les oreilles. Le grec et le latin, ventre bleu, qu'il n'en soit plus question. Tout ce que j'en ai appris ne vaut pas une bouffée de tabac. Quand je pense au temps que j'ai perdu dans cette galère, je donnerai Virgile et Cicéron à manger aux requins, et je ferai un feu de joie de l'université. C'était à parler d'inspiration, aussi Duguay fut admirable d'éloquence. Attendons, dit M. Trouin en riant. Attendons pour brûler les écoles, que ton frère ait achevé ses études. Pauvre René, soupira notre héros avec une conviction touchante, que je le plains sincèrement dans son passé et dans son avenir. Il n'osa pas dire dans son présent. Condamné à la robe et au bonnet, aux lois et aux ordonnances, à perpétuité, quel destin! Voyons, bon père, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'arracher, de ce bas-fond, de l'embarquer avec nous sur la Gabrielle et d'en faire un loup de mer comme vous et moi? « Jamais !» repartit M. Trouin, de ce ton qui ne souffrait pas de réplique. « René remplacera notre cousin le juge de Rennes ou notre neveu le consul de Malgue, à moins qu'il n'ait mieux hérité de notre beau-frère, le chanoine de Dol. » Duguay frémit à ce mot de chanoine, comme s'il eût senti le fer sacré dans ses cheveux. « D'ailleurs, ajouta le vieux corsaire, je n'ai plus d'inquiétude sur sa vocation. Sa dernière lettre m'annonce qu'il travaille nuit et jour et qu'il navigue à pleine voile dans le code justinien. » René se mordit la lèvre et changea brusquement le gouvernail. « N'en parlons plus, mon père. J'aime trop Duguay pour m'opposer à son bonheur et au vôtre. Qu'il se convertisse à la robe aussi cordialement que je reviens à l'épée. » « C'est donc bien vrai, » reprit M. Trouin, dans l'enchantement. « Tu ne t'échapperas plus au moment de t'embarquer. Je serai le premier à bord. Tu n'auras plus le mal de mer. Je m'en guérirai en trinquant avec vous. Tu fumeras. Comme la cheminée de la Cambuse, voilà mon tuyau. » René tira de ses hautes choses une énorme pipe en écume de mer. « Elle est encore toute chaude !» s'écria le vétéran. « Je crois bien. Je viens d'y fumer 4 onces de Havane. Très bien. Si tu la culottes, je te la fais monter en or. Et quand tu entendras le branle-bas de combat, tu n'auras plus la colique. Je suivrai votre exemple. J'avalerai 3 grains de poudre dans un verre de tafia. Je prendrai un pistolet d'une main, mon sabre de l'autre, et malheur à l'ennemi qui se trouvera devant moi. » Joignant l'action à la parole, René entraîna son père en armant un de ses pistolets, visa par la fenêtre une lanterne du port et la fit voler en 1000 éclats. « Bombé mitraille ! Mais c'est admirablement tiré !» dit M. Trouin au comble de la joie. « Ah, mon cher Luc » continua-t-il en reprenant le bras de René. « Te voilà comme je te voulais. Je reconnais enfin mon sang. » et à travers la foule, électrisée comme lui par cette scène, le digne homme allait et venait de groupe en groupe, montrant son fils avec orgueil et confiance au bonheur à tous. « Tu ne sais pas, mon ami ?» dit-il ensuite à l'oreille de René. « Eh bien, je pressentais depuis ce matin ce qui arrive, vraiment. J'y vois clair, sans lunettes, Dieu merci. Tu avais si bien organisé cette fête, tu la faisais marcher si superbement, et tout cela sans avoir l'air d'y songer, en paraissant au contraire occupé d'autre chose. C'était la révolution qui s'achevait en moi. Le vieil homme succombait sous le nouveau. Le démon de la mer et des combats s'emparait de sa proie. « Mais conte-moi donc, » reprit M. Trouin, « qui t'est ainsi métamorphosé ?»« C'est une femme, mon père. » En abordant ce côté pénible de son rôle, Duguay laissa échapper un soupir. « Une femme ? Toi qui n'osais parler à aucune ? Encore une transformation. Dis-moi le nom de cette femme, que je la bénisse. Vous la bénirez ? Il serait possible, mais je lui donne le plus beau jour de ma vie. » Et pourtant, vous l'avez souvent maudite. Je lui en demanderai pardon. Son nom, te dis-je. Je n'ose le prononcer devant tout le monde. René entraîna M. Trouin dans sa chambre, contiguë au salon. Il avait besoin de recueillir toutes ses forces pour achever son sacrifice. Et il comptait forcer plus sûrement l'ennemi dans ce dernier retranchement. « Oh, mon père, » reprit-il, aussi langoureux qu'il était violent tout à l'heure, « avant d'apprendre le nom de cette femme à qui vous devez tant, jurez-moi que vous n'aurez rien à me refuser pour elle. Je te le jure. Eh bien, c'est Marie-Ange Bernard, dont vous m'avez interdit de rechercher la main, et c'est ma propre main que je vous prie de lui rendre pour récompense. » La voix de René faiblit en entrecoupant ces paroles. Il sentit une grosse larme rouler sous son masque, et il porta la main sur son cœur pour en comprimer les battements. M. Trouin fronça le sourcil, se laissa tomber sur un fauteuil, et blasphéma contre sa goutte, qu'il avait oubliée depuis un quart d'heure. « Mademoiselle Bernard, Mademoiselle Bernard, » murmura-t-il, « la fille d'un simple pilote hauturier. Vous êtes encore trop jeunes, tous deux, ce n'est là qu'une amourette. N'appelez pas amourette une passion qui fait des miracles, » interrompit René avec l'éloquence de son propre amour. « C'est à Marie-Ange que j'ai promis d'être un marin digne de vous, de vous suivre dans toutes vos courses, de combattre enfin comme un lion. Et j'ai déjà commencé, mon père. » « Tu as commencé, » dit le vieux corsaire qui se redressa de joie. « Il n'y a pas plus d'une heure que j'ai gagné mes éperons, » ajouta René, en reprenant son courage et sa contenance. « Vous avez ouï parler du terrible chevalier de la Briantais ? Ce bretteur de Dinan qui a tué 8 hommes en duel, il n'en tuera pas d'autres. C'était mon rival près de Marie-Ange. Je viens de me battre avec lui sous le vieux rempart, à l'épée et au pistolet. Je lui ai cassé un bras et crevé un œil. Et voilà tout ce qu'il a eu de mon sang. » Duguay Trouin montra héroïquement son poignet déchiré. M. Trouin se jeta dans ses bras, en pleurant d'ivresse et de gloire. « Mon Luc, mon digne Luc, » s'écria-t-il, « tu épouseras Marie-Ange, et je la remercierai à genoux de m'avoir rendu mon fils. » Ce succès coûtait assez cher à René pour qu'il ne s'oubliât pas lui-même. « Alors, mon père, » continua-t-il, « vous m'accorderez avec votre consentement ce qui devait en être la condition, ce que je redoutais tant de mériter naguère, et ce que je veux aujourd'hui obtenir à tout prix, un commandement. Un commandement sur la Gabrielle, au poste le plus périlleux, dans la première course et le premier combat. Dès demain, mon père, si, comme on le dit, les Anglais arrivent, ne me donnez qu'une batterie et 4 hommes, cela me suffira pour vaincre ou mourir. » M. Trouin allait de transport en transport. Il se crut le jouet d'un rêve et s'écria. « Mais es-tu bien, Luc ? Ôte ton masque et viens que je te contemple. » René frémit des pieds à la tête. Heureusement, quelqu'un entra et lui fournit un prétexte de rester masqué. Son père oublia sa dangereuse idée pour presser la main du nouveau venu. C'était justement le premier maître hydrographe de Brest, alors en tournée à Saint-Malo. M. Kervan passait avec justice pour le plus savant homme de la côte, en fait de manœuvre et de navigation. « Corbleu !» dit le vieux corsaire en se frappant le front. « C'est un bon vous qui vous pousse, mon ami. Ce beau masque me demande un commandement sur mon navire. Faites mon oncle le plaisir de l'interroger pour voir s'il en est capable. » M. Kervan, qui ne faisait que d'entrer au bal, pria à son tour René d'ôter son masque. Mais M. Trouin, changeant d'avis, lui ordonna de le garder. « Je vais vous faire une surprise, » dit-il au professeur. « Après l'examen, vous saurez le nom de l'aspirant. La Providence est pour moi, pensa notre héros, je suis sauvé. Et retrouvant en même temps que son aplomb toutes ses idées et tous ses souvenirs, il répondit aux questions de M. Kervan, sur la théorie et sur la pratique, sur la mer et sur les vents, sur le branle-bas de combat et sur l'abordage, sur les moindres détails de la mâture, des battements et du gréement, avec une si heureuse précision et en des termes si bien choisis que le maître confondu s'écria « Quel que soit ce jeune homme, il deviendra, si on le laisse faire, le premier marin de son siècle. »« Eh bien, ce jeune homme est mon fils aîné, » dit M. Trouin avec explosion. « Luc, ôtez maintenant votre masque et remerciez notre ami de son horoscope. » M. Kervan connaissait à merveille toute la famille Trouin. Duguay se trouva donc pris cette fois. Il n'y avait pas à reculer, et la moindre hésitation le perdait. Il se démasqua, mais en tournant le dos à son père et en se précipitant vers le professeur. « René !» murmura celui-ci qui le reconnut au premier coup d'œil. « Au nom du ciel, monsieur, dites Luc, » repartit Duguay, « si vous tenez à être prophète. » M. Kervan devina tout et accepta la complicité. Il avait toujours déploré la direction donnée à l'élève de Caen. « Oui, mon cher Trouin, reprit-il, accordez un brevet à votre fils, et un brevet de commandant second ne sera pas de trop. Je dirais de commandant premier, si vous ne montiez vous-même la Gabrielle. » René avait déjà remis son masque, comme par un mouvement machinal, et s'était retourné triomphant vers son père. « Mais, brombé mitraille, répétait celui-ci, comment diable as-tu appris tout cela, toi qui ne savais pas diriger une yole il y a 3 semaines ?» René fut quitte pour attribuer ce nouveau prodige à Marie-Ange, sous l'inspiration de laquelle il avait travaillé nuit et jour. Il avait voulu d'ailleurs surprendre agréablement M. Trouin. « Va donc, » conclut ce dernier, « pour ton brevet au premier départ et pour ton mariage au prochain retour. » Il va sans dire que l'honorable capitaine ignorait encore les soupçons qui planaient sur Bernard. S'il les avait connus, ses promesses n'auraient été que provisoires. Raison de plus pour René de ne rien laisser au hasard. « Vous allez me trouver trop exigeant, mon bon père, » reprit-il de sa voix la plus séduisante. « Mais je vais donner à Marie-Ange une espérance si douce, celle de recevoir de moi ce soir même votre lettre de consentement enveloppée dans mon brevet. Si elle ne voit rien arriver, elle croira que vous m'avez refusé encore. « Enfant gâté, » dit tendrement M. Trouin, « avoue qu'en devenant lion, tu as gardé quelque chose du chat. Au fait, » ajouta-t-il, l'idée est gracieuse. « Et je ne veux rien ôter à tes bœufs, quand tu as mis le comble au mien. » Le vieux corsaire prit sur son bureau une lettre et un brevet en blanc. Il les remplit à la hâte, adressa galamment la lettre à Mademoiselle Bernard, et la remit avec le brevet à René, qui les serra par un geste convulsif. « Enfin, » pensa-t-il, en étouffant d'émotion sous son masque, « je tiens mon bonheur et celui de Luc. Nous verrons si le destin nous l'arrachera. » Et il remercia M. Trouin avec l'effusion la plus sincère et la plus cordiale. Puis reprenant le ton patelin d'un suppliant, « Pendant que vous y êtes, mon père, » lui dit-il à l'oreille, « encore un petit mot, s'il vous plaît. Pour qui ? Pour votre caissier. Tu veux de l'argent ? Oui. Qu'en feras-tu, toi qui ne connais ni l'académie, ni le cabaret, ni le tripot ? Vous oubliez ma métamorphose. Vraiment, tu as aussi changé tes habitudes ? Il faut bien avoir les défauts de ses qualités. Ne m'avez-vous pas reproché 1000 fois ma sagesse ? Ne m'avez-vous pas dit que le vrai mari doit réunir le triple talent d'Henri IV, adorer Vénus, Bellou et Bacchus ? J'ai voulu vous satisfaire et me compléter sur tous les points. Marie-Ange est pour moi Vénus, et vous savez si je l'aime. J'ai payé aujourd'hui mon tribut à Bellone. Et tu veux rendre aussi tes hommages à Bacchus ? Demanda M. Trouin, de son air le plus scélérat. Il les a reçus avant Bellone. Bon, tu allais au cabaret, tous les jours depuis que je vous ai quitté, puis au tripot, toutes les nuits. Et tu as bu ? Le vieux corsaire redressa son nez bourgeonné et fit un geste digne de Silène. Du plus cher et du meilleur. Et tu as joué en conséquence. Alors sont venus les frais de toilette, de régal, de danse, etc. Toujours pour vous agréer, mon père. Si bien qu'à l'heure qu'il est, je dois... Tu as des créanciers. Sous peine de prise de corps. Tu es poursuivi. Une somme d'environ... René s'arrêta devant le chiffre. « Bombé mitraille !»« Et que m'importe la somme ? » s'écria M. Trouin, ravi cette fois jusqu'au délire et pressant son fils entre ses bras. « Poursuivi pour dette. absolument comme moi, à son âge. Plus de doute, mon ami. J'avais reconnu là ma vocation. Je réponds donc de la tienne. Salut au vrai loup de mer, la somme. Mais rien que pour cette nouvelle, je donnerai 5 000 livres. Ce n'est pas assez, mon père, dit René hardiment. M. Troin le considère avec un étonnement mêlé d'admiration. Il me faut juste le double. Le digne capitaine resta muet et confondu. Mais il était allé trop loin pour reculer. Écrivant donc un bon de 10 000 francs sur sa caisse, « Monsieur Carvon a raison, » s'éclate-t-il en le remettant à Duguay. « Tu seras le plus grand marin de ton époque, seulement je t'avertis, » ajouta-t-il prudemment, « qu'une fois muni du brevet que tu portes, ce sont mes prix sur l'ennemi qui ont payé mes dettes. « Ouvrez-moi l'océan, » dit notre héros en montrant le port d'un geste sublime, « et bientôt, comme les argonautes, je vous rapporterai la toison d'or, et l'humble écusson des Troins brillera parmi les plus illustres. »